Bonjour, je suis Théo, bienvenue dans le bal local, c'est moi qui serai votre chef d'orchestre pour les minutes qui vont suivre. Arrêtez de vous mentir, arrêtez de feindre cette réalité latente qui pend devant votre nez depuis plusieurs années maintenant. Oui, votre patron vous rend fou. Oui, vous ne comprenez plus les grands objectifs mis en place par le CODIR, qui en plus de changer tous les 6 mois sont pondus par une bande de quasi centenaires bourrés de pouvoir et d'oseille, mais à qui le management positif et l'art de communiquer sont des idées bien trop lointaines. Ça y est, vous entendez ces clapotis contre la chaloupe et ses embruns ? Vous voici embarqué sur le navire de la remise en question, naviguant à travers les courants de la liberté, direction le Doupé du freelancing. Oui, merde, maintenant, c'est vous le capitaine à bord, et plus question de se faire saborder par je ne sais quel N+1 mal d'autorité. C'est vous qui tenez la barre, un point c'est tout. Première étape de ce voyage, l'île des statues. Saurez-vous déterrer le trésor enfoui par Cap Sparrow ? Bonjour à toutes et à tous, c'est un plaisir de vous retrouver pour aborder ensemble la thématique du freelancing. Ce mouvement a un impact positif sur l'économie de notre pays et que nous sommes plusieurs milliers à rejoindre chaque année transforme nos modes de vie. Alors nous avons une idée. Vous voici maintenant entraînés dans le bal local, l'événement qui rassemble freelance, entreprises et acteurs qui contribuent à la transformation du monde du travail. Dans un rythme bienveillant et intimiste, découvrez avec nous les styles de vie, anecdotes et points de vue de ces hommes et ces femmes. Attention, le bal local est déclaré ouvert. Vous l'aurez compris, se lancer dans le freelancing n'est pas un choix anodin. Et ça tombe bien, nous avons aujourd'hui avec nous une experte en la matière, puisque son métier, c'est d'accompagner les indépendants dans la création de leur entreprise. J'ai nommé Camille Jounot, accompagnatrice d'entrepreneurs chez Pépite. Bonjour Camille, merci de rejoindre le bal local pour une nouvelle danse. On va parler ensemble de freelancing, de choix de statut, d'entrepreneuriat et de transformation du travail. Es-tu prête ? Oui, je le suis. Alors pour commencer, est-ce que tu peux nous raconter un peu qui tu es et quel est ton parcours, comment ton quotidien par exemple est rythmé chez Pépite ? Oui, alors je suis nantaise, j'ai fait un passage par Bordeaux pour mes études et je suis arrivée à Toulouse il y a 3 ans et demi. J'ai commencé à travailler chez Pépite il y a un peu plus de 2 ans et demi maintenant et mon quotidien c'est de rencontrer des porteurs de projets, plus spécifiquement des personnes qui veulent se lancer dans le freelancing et donc je les conseille sur toutes les questions qui peuvent se poser avant de se lancer. Ok, alors Pépite, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus précisément ? Oui, Pépite, c'est un cabinet d'expertise comptable spécialisé dans l'accompagnement des créateurs d'entreprises et plus spécifiquement donc des indépendants. Donc en fait, on va les conseiller sur les questionnements juridiques de démarrage et ensuite les accompagner tout au long de leur développement sur les questions comptables, sociales, fiscales. Mais ça va un peu au-delà, on pourra peut-être en parler, mais notre idée, c'est vraiment d'accompagner et de créer une atmosphère, un univers qui va permettre à l'indépendant de se développer. Ok, donc j'ai vu sur ton LinkedIn que tu disais que tu étais une accompagnateur d'entrepreneur. Donc ça, c'est vraiment la baseline et un peu l'identité de Pépite. Voilà, moi, c'est mon rôle chez Pépite, voilà, c'est de rencontrer des entrepreneurs déjà installés ou en phase de lancement. Et c'est vraiment de les conduire vers le lancement. Et ensuite, dans mon équipe, ensuite, il va y avoir une personne qui va les suivre au quotidien. Chers auditeurs, voici venu le moment des questions tempo. Une question, 2 réponses possibles, c'est parti. Si je te dis comptable ou accompagnatrice d'entrepreneur, tu choisis quoi ? Accompagnatrice d'entrepreneur. Si je te dis fisc ou URSSAF ? Waouh, là c'est... c'est compliqué. Allez, fisc. Ok. Dématérialisation ou humanisation ? Les deux, mon capitaine ? Ouais, j'ai l'impression que c'est un peu ce que vous faites chez Pépite. C'est ça, c'est vraiment d'allier les deux pour trouver le fonctionnement qui va le plus faire gagner du temps aux indépendants. Ok, et si je te dis facture ou note de frais ? Facture. Allez, facture, facture, facture. On va passer du coup à la deuxième partie de l'interview. Donc là, on va parler un peu plus des statuts, de la partie comptabilité. Je vais commencer en mettant les pieds dans le plat. Comment on fait pour ne pas se tromper de statut ? Comment on fait ? Surtout, on prend de l'info. On prend de l'info, on questionne, on demande et on n'hésite pas justement à rencontrer des spécialistes sur le sujet. Parce que le piège souvent dans lequel on tombe, c'est de faire comme son copain, son voisin, son oncle, son frère. Donc vraiment, le piège à éviter, c'est peut-être de faire un copier-coller. Et d'y aller trop vite ? Et d'y aller trop vite, effectivement. Sur le choix du statut, il faut aussi se dire qu'on a souvent le temps. Après, il ne faut pas faire de généralité, et puis on ne va pas en faire aujourd'hui. Mais c'est, effectivement, prendre le temps, ne pas se précipiter. Et peut-être aussi avoir en ligne de mire le fameux premier chiffre d'affaires qui pourra peut-être déclencher vraiment l'action à ce niveau-là. Ouais, une réflexion après sur la suite en fonction de ce qui s'est fait, par exemple, sur la première année. Exactement. Pour nous donner un bon aperçu de ce qu'on est capable de faire aussi. C'est ça, d'avoir un petit peu... si on a un peu d'historique, c'est bien. Si aussi on a pu travailler un business plan, des prévisions, c'est aussi très bien parce qu'on va pouvoir ajuster en fonction. Après, sur le choix du statut, il ne faut pas oublier qu'il y a une grande part de la situation personnel qui est regardé et qui va voir vraiment toute son importance dans le choix après. Donc tu es en train de me dire que si plus on t'amène de data, plus toi tu peux aider les gens à calculer ce qui leur correspond mieux. C'est sûr. Et après, en termes de data, c'est ça, c'est souvent, il faut se dire qu'il n'y a pas besoin. Enfin, nous, souvent ce qu'on voit, c'est que les personnes nous demandent quel papier je dois amener, quel chiffre vous avez besoin. Ce dont on a besoin, c'est surtout de savoir comment le projet a été pensé, là où on veut aller et où on en est aujourd'hui. C'est vraiment ça, c'est s'assurer qu'on sait où on va, quels sont aussi les points qui sont importants pour nous. Est-ce qu'on a des enfants? Est-ce qu'on veut protéger son patrimoine, enfin voilà. Finalement, beaucoup de questions aussi personnelles et pas forcément chiffrées. Voilà, okay. C'est pas que le chiffre. Parce que la question du statut, c'est aussi souvent relié à la partie couverture sociale, parce que c'est vrai qu'en indépendant, c'est toujours un peu compliqué de se positionner. Quand on a la chance d'avoir un conjoint qui a une bonne mutuelle, on essaye de se greffer dessus, mais ce n'est pas toujours le cas. Et comment est-ce que vous travaillez aussi sur cette thématique oui. avec les personnes que vous accompagnez? Oui, exactement. C'est vraiment un point essentiel du conseil. Ça va être de bien expliquer les différents régimes, les impacts que ça aura, et ensuite faire un choix en toute connaissance de cause. Après, il n'y a pas le statut magique, il ne va pas y avoir un statut qui va permettre de cocher toutes les cases, mais on va pouvoir s'en approcher et surtout savoir quelle est sa priorité. Et au niveau couverture sociale, effectivement, pour reprendre ta remarque initiale, c'est vrai que ça a une grande importance dans le choix. Ouais, parce que c'est vrai que c'est souvent la jungle, et là aussi, sur cette thématique-là, on a besoin d'avoir des tiers de confiance pour nous aider, aussi pour nous guider et pour défricher un peu tout ça, parce que c'est pas évident. Oui, et même nous, à ce niveau-là, on n'hésite pas à travailler en collaboration avec des partenaires, enfin, on appelle partenaires, donc des personnes qui vont être spécialistes sur la protection sociale de l'indépendant. Voilà, on va pouvoir expliquer le fonctionnement, indiquer les conséquences, et ensuite, on n'hésitera pas à mettre en relation avec une personne qui sera experte sur le sujet pour qu'il y ait plus de détails et plus de un audit personnalisé, par exemple, etc. Ok. Du coup, toi, tu as l'habitude, finalement, d'accompagner les indépendants dans la création de leur entreprise, dans le suivi de leur comptabilité et aussi le suivi, finalement, de la vie de leur entreprise. Aujourd'hui, avec toute cette... On parle encore de data, mais avec toute cette data, quelles sont les principales difficultés que rencontrent les indépendants pour toi ? Les principales difficultés, il va y avoir peut-être le côté... trouver une première mission, ça peut être un point important au démarrage. Ça va dépendre en fait beaucoup du secteur d'activité dans lequel on se lance. Mais la première mission, la difficulté aussi, c'est parfois quand on se lance après avoir connu une longue période de salariat, ça va être un petit peu tout oublié pour repartir sur de nouvelles bases. On va avoir tendance à beaucoup comparer, à avoir le même fonctionnement et en tout cas à se dire que c'est pareil alors qu'en fait il y a pas mal de choses qui changent. Donc voilà, ces deux éléments-là. Le côté aussi isolement, bon, le mot est peut-être un peu fort, mais voilà, de se dire qu'on va se retrouver seul à son compte, peut-être qu'on va travailler chez soi au début. Donc c'est trouver aussi un rythme et puis peut-être des partenaires, des confrères qui vont nous permettre aussi des collectifs par exemple. Voilà, c'est sûr, de pouvoir partager des embûches, pouvoir partager, mais pas que les points compliqués, mais aussi les bonnes astuces. C'est quelque chose, je pense, quand on se lance en indépendant, qui est très important. Parce que voilà, souvent, moi je le remarque, travailler de chez soi au début c'est bien, mais au bout de 6 mois on en revient parce que je pense que rares sont les personnes qui s'appelaient toute une vie, quoi. Ouais, ok. Et si tu devais donner 3 conseils à une personne qui veut monter sa boîte ? Conseils primordiaux pour bien commencer en toute sérénité. Qu'est-ce que tu conseillerais ? Je dirais dans un premier temps, vraiment de faire le point sur là où on en est. Voilà. Peut-être un peu de timer, de dire dans 3 mois, dans 6 mois, dans 9 mois. Et surtout prendre de l'info des sources différentes. Voilà, ne surtout pas, enfin je pense qu'aujourd'hui c'est moins le cas peut-être qu'avant. Avant peut-être qu'on faisait confiance à une personne parce qu'on savait que c'était la spécialiste. Aujourd'hui avec Internet et puis tous les médias, on a quand même plus ce réflexe de croiser les infos. Et ça, je pense que c'est un élément important et une astuce, et en tout cas un conseil qu'on pourrait donner, c'est surtout ne pas hésiter à croiser les infos et puis à échanger et à bien comprendre. Ouais. Ok. Il m'en manque deux. Ah oui, j'en ai donné qu'un. Après, ça rejoint l'info, mais se renseigner auprès de personnes qui ont déjà tenté l'expérience. Aller voir ses pairs. Aller voir ses pairs, exactement. Et ça va avec l'info, parce que ça va être une autre source d'info, ça va être du vécu, donc ce ne sera pas le même info que quand on ira voir un expert comptable. Ça va être beaucoup plus subjectif, mais c'est important aussi de ne pas s'en tenir, mais le prendre quand même en compte. Après, ça rejoint encore, mais s'entourer. Ouais. S'entourer de personnes qui vont être spécialistes de leur sujet. C'est-à-dire que je pense que je suis assez partisane du chacun son métier, et c'est vrai, je pense que ça se retrouve dans tous les domaines. Voilà, il ne faut pas hésiter à reconnaître ses limites, et puis pour le bien de son projet, se dire bon, bah là, moi, je ne suis pas spécialiste, je délègue. Ça peut être sur le marketing, la communication, les personnes qui veulent faire leur site tout seul, bah, à un moment donné, ils se rendent bien compte que c'est peut-être pas la bonne solution. Bah après, c'est comme tout, ça peut être une solution qui peut être viable sur le démarrage, mais une fois qu'on veut se staffer et être plus compétitif et plus à l'aise dans ce qu'on fait, c'est vrai que exactement. Si on est vers un professionnel, c'est quand même... C'est ça. Donc, à un moment donné, quand on sent un peu ses limites, faut pas hésiter à s'entourer. Et après, s'il y a un conseil aussi, c'est faut tenter, quoi. Je pense qu'on y reviendra peut-être après, mais aujourd'hui, il y a des statuts qui sont assez... pratique pour tester, pour tenter, et s'il y a une envie au fond de soi, faut y aller, faut se lancer. Okay. Parce qu'après, on va pas se le cacher, dans le monde de l'entrepreneuriat, on voit quand même beaucoup de personnes qui commencent par un statut d'auto-entreprise. Oui. C'est vraiment le démarrage pour pouvoir se tester, comme tu le disais. Toi, qu'est-ce que tu observes? C'est que les gens qui commencent en auto-entreprise ont tendance à changer de statut au bout de combien de temps? Comment ça se passe un peu par rapport à... C'est compliqué de faire une généralité, ça va vraiment dépendre du secteur d'activité, parce qu'en fait, l'auto-entreprise ou la micro-entreprise a une particularité bien à elle, qui fait qu'on ne peut pas déduire les charges liées à l'activité. Donc forcément, d'une activité à l'autre, il y a plus ou moins de charges, ça ne va pas être le même timing, ça ne va pas être les mêmes éléments qui vont faire pencher. Okay. Est-ce que tu penses que le statut d'auto-entrepreneur est viable sur le long terme ? Il peut. Après, je pense que moi, avec le recul que j'ai, c'est rare que ce soit vraiment le statut qui dure toute la vie. Mais ça peut. Encore une fois, il va y avoir des situations dans lesquelles ça va être le statut idéal pendant toute son activité. Donc, pourquoi pas ? C'est sur les statuts. Du coup, l'introduction, ça a permis de bien voir qu'un choix de statut se fait en fonction d'éléments qui sont assez personnels. Donc, encore une fois, voilà, ça peut. On va dire qu'en généralité, c'est quand même plutôt un statut transitoire. Ok. Est-ce que, d'après toi, un freelance ou un indépendant a-t-il nécessairement besoin d'un expert comptable pour l'accompagner ? C'est très lié au statut, parce que forcément, sur la micro-entreprise, on ne va pas avoir besoin d'un expert comptable. Hein, les obligations comptables sont assez légères, donc on peut s'en sortir seul sans problème. Sur les autres statuts, encore une fois, c'est conseillé, parce que ça rejoint ce que je disais sur le fait de confier à un expert des tâches qui sont assez complexes. En tout cas, même si on a des connaissances en comptabilité, on peut gérer sa comptabilité. Il y a des statuts qui le permettent. Je pense à l'entreprise individuelle, pourquoi pas. Après, c'est en fait tout simplement une réflexion en termes de temps à consacrer à cette partie-là. Est-ce que ce temps-là, on ne préfère pas le consacrer à du développement commercial, à du développement sur sa communication Est-ce qu'on n'a pas une phobie administrative? Exactement. Après, honnêtement, c'est aujourd'hui, par rapport au coût que ça peut coûter, au coût que ça peut représenter un expert comptable, honnêtement, c'est quand même souvent bienvenu. Ça permet de décharger tout ce stress qu'il peut y avoir quand on reçoit un courrier de l'URSSAF ou des impôts, et que même si on le laisse sur le bureau, on se dit on s'en chargera après. Même si on va s'en charger, psychologiquement, il est là, on s'en est pas encore occupé. En termes de temps et de stress. C'est ça. Au moins, vous savez que là, c'est géré en temps, en heure. Ok. Et la compta dans tout ça, quelles sont un peu les bonnes pratiques pour pouvoir s'occuper de sa compta finalement sans s'arracher les cheveux? Parce que c'est vrai que la compta, c'est un peu un gros mot, on en a toujours peur, alors que finalement, c'est pas si compliqué que ça, non? Non, bien sûr que non. En fait, ce qui est compliqué avec le monde de la compta, c'est qu'il y a tout, il y a y a des coulisses, en fait. Des coulisses qu'on ne voit pas du tout quand on est entrepreneur et qu'on confie sa comptabilité à un cabinet d'expertise comptable. On ne voit pas, en fait, tout ce qui est fait par le cabinet. Donc, en fait, la compta, ce n'est pas la gestion d'un budget ou d'une trésorerie. Et c'est ça qui est souvent un petit peu compliqué à expliquer sur un démarrage. Enfin, compliqué pendant 10 minutes, après, ça va bien. Mais c'est ça, il faut bien différencier son compte en banque de sa comptabilité. Et après, une gestion de budget, une gestion d'une trésorerie, quelques tableaux de bord, des indicateurs, tout ça, tout le monde peut être hyper autonome. Suivre sa comptabilité, il faut avoir des notions quand même comptables en termes de traitement qui sont assez poussées, enfin, qui ne s'apprennent qu'en études de comptabilité. Donc, ce n'est pas donné à tout le monde. Après, quand même, il paraît qu'il y a des outils qui facilitent un peu tout ça, non ? Il me semble que vous en avez un chez Chapit. Ah oui, voilà. Ah. Oui, il y a des outils, en fait, qui vont pouvoir faciliter tout le suivi. Mais encore une fois, c'est un outil qui va faire gagner du temps à l'entrepreneur, qui va nous faire gagner du temps. Et en fait, ce n'est pas un outil qui va faire la comptabilité tout seul. Mmh. Voilà. Mmh. C'est un outil qui est proposé, effectivement, par notre partenaire et qui va permettre de gagner du temps dans les échanges qu'on a avec nos entrepreneurs au quotidien. Donc, en fait, s'il y a une chose qui peut, on va dire, raccourcir tous les temps et puis avoir un peu l'esprit tranquille dans sa gestion comptable, ça va être d'être organisé. Mais je pense que ça, quand on se lance, il y a différents niveaux d'organisation, mais une organisation minimum en termes de séparation des comptes et puis de suivi, ça va être un minimum ensuite pour avoir l'esprit tranquille. Ouais. Ok. Puis dernière petite question sur tous ces éléments-là. Une personne qui veut se lancer du coup sur un statut d'indépendant, il va donc privilégier dans la majorité du temps l'auto-entreprise pour pouvoir se tester. Si on peut lui donner quelques billes, quelles sont un peu les obligations légales qu'il va avoir sur la première année ? Alors, sur un micro-entrepreneur ou auto-entrepreneur, quand il se lance, il va falloir qu'il se crée en ligne. Donc ça, c'est quand même un côté positif, c'est vrai. Tout se fait de façon dématérialisée. Et de plus en plus, on pousse la dématérialisation, donc ça, c'est bien. En termes d'obligations, le principal élément à avoir en tête quand on se lance en micro, c'est de déclarer son chiffre d'affaires. Donc après, on choisit un rythme, tous les mois, tous les trimestres. Donc soit on déclare son chiffre d'affaires mensuellement, soit trimestriellement sur le site de l'URSSAF, et ensuite on paye ses cotisations sociales directement. En fait, elles sont prélevées sur la base du chiffre d'affaires. Donc ça, je dirais, c'est l'obligation la plus récurrente quand on se lance en micro-entreprise. Sinon, il va y avoir... Bien sûr, il va falloir déclarer ses revenus. Les revenus qu'on tire de son activité de micro-entrepreneur sont des revenus qu'on déclare après sur sa déclaration d'impôt en mai. Ou un prélèvement libératoire. Mais même si on fait un prélèvement libératoire, il ne faut pas oublier de le noter sur sa déclaration d'impôt. Voilà. Mais effectivement, il y a plusieurs façons de payer l'impôt. Mais après, le fait de l'inscrire sur sa déclaration, ça reste obligatoire, comme tout le monde. On déclare ses revenus, qu'ils soient issus du salariat ou de l'entrepreneuriat. Voilà. Alors il y a aussi une fameuse taxe dont des fois on n'entend pas parler au démarrage, c'est la CFE, la cotisation foncière des entreprises, qui arrive pas la première année. Hein. Par contre, quand on crée en cours d'année, on n'est pas redevable de cette taxe, mais elle arrive du coup la deuxième année, au mois de décembre. Et la CFE ? Oui, alors c'est une taxe qui est liée en fait à l'adresse au chiffre d'affaires. En fait, pour l'expliquer souvent, je prends l'image de la taxe d'habitation. C'est la taxe d'habitation, mais pour les entreprises. Donc voilà. En fonction du nombre de mètres carrés que tu vas utiliser pour exercer ton travail ? Voilà, de l'adresse et du chiffre d'affaires. Ok. Voilà. Et après, si je peux juste ajouter, parce que dans ta question, donc tu disais, pour se lancer souvent la micro-entreprise, oui, c'est vrai que c'est un statut qui va permettre vraiment d'avoir l'esprit tranquille en se disant, comme on l'a dit, en fait, hein, les obligations, elles ont tenu 2 minutes 30. Ouais. Donc voilà, c'est sûr que c'est souvent, ça rassure. Mais ça vaut le coup quand même de se renseigner, parce que des fois, en fait, on se rend compte qu'il y avait peut-être un autre statut qui pouvait faire l'affaire. Comme tu le disais, ça dépend vraiment du projet, quoi. C'est une question de projet, de ce qu'on veut faire. De projet, et aussi un élément sur lequel quelques-uns vont pouvoir se reconnaître, c'est est-ce qu'on a du Pôle emploi ou pas. Ouais. Parce qu'en fait, il va y avoir des statuts, notamment les statuts de société, qui vont permettre de conserver son Pôle emploi tous les mois en déclarant ne pas recevoir de revenus de la part de sa propre société. Voilà. Et donc, ça permet de cumuler son Pôle emploi pendant 1 an, 2 ans, enfin, pendant tous ses droits au chômage. et en attendant de générer du chiffre d'affaires. Et de en la fait, trésor. Exactement. Et donc le chiffre d'affaires ne va pas venir impacter le pôle emploi qu'on aura tous les mois. Donc ça permet aussi de pouvoir finalement décoller en, exactement. Avec une certaine sérénité. Hein, c'est ça. Ok. Alors maintenant, pour faire un peu l'entraque finalement dans cette interview, je vais te demander, est-ce que tu as dans ton répertoire une musique qui représente le freelancing, le monde de l'entrepreneuriat, tout ça, que tu voudrais partager avec nous? Oui, alors moi j'ai une musique qui me... Après, c'est plutôt, on va dire, personnel, mais ouais. Je pense que ça doit représenter quelque part, parce que c'est une musique qui est assez énergique, qui s'appelle Body Funk. Pourquoi ? Parce qu'il y a un côté, enfin c'est assez répétitif cette musique et il y a un côté entraînant, motivant, un peu, presque un peu militaire dans la répétition et je trouve que ça représente bien un petit peu l'organisation, les journées un peu timées et puis aussi le fait de se lancer, l'énergie que ça génère, voilà. Ok. Mais toi, du coup, à force d'être entouré finalement d'entrepreneurs, des fois, est-ce que tu n'as pas tendance à te poser des petites questions ? Parce qu'il me semble que toi, tu es salarié. Oui, c'est ouais. Ça, exactement. Aujourd'hui, franchement, je ne me pose pas de questions, tout simplement parce que ce que je fais avec Pépite, j'adore. Je vous confirme, vous n'avez que l'audio, mais ça se voit. Non, vraiment, c'est un quotidien qui est toujours changeant. Enfin voilà, même si on a les mêmes les mêmes bases de la journée, mais on va rencontrer toujours des projets différents, des personnes différentes et je pense que c'est ce qui motive les gens. Enfin en tout cas moi c'est ce riche. Qui me motive, voilà, c'est ça, c'est riche les journées, on fait des choses qu'on n'avait même pas prévues le matin, finalement on se retrouve à les faire l'après-midi. Enfin c'est très dynamique et pour tout ça, non, pour l'instant moi je suis très bien. 100% salarié. Ouais. Ou en tout cas, salarié chez Pépite. Ok. Comment tu vois l'évolution du monde du freelancing d'ici les 5 prochaines années ? Notamment, tu vois, au niveau des statuts, est-ce qu'on va vers plus de simplicité ou au contraire ? L'évolution... En fait, on remarque que tous les ans, il y a un petit peu des mises à jour. Le statut de la micro-entreprise fait souvent les frais de mise à jour régulières. Après, sur les statuts de société, on remarque quand même une stabilité depuis quelques années. Donc, je ne pense pas qu'il va y avoir trop de changements. Mais oui, s'il y a un statut qui va être modifié, en tout cas... sur certains éléments, hein, ça va être la micro-entreprise, parce qu'on, de toute façon, voilà, on l'a vu, hein, 2019, ça a changé. Le statut n'a plus rien à voir avec celui qui a été lancé au démarrage. Donc, il y a déjà des annonces pour l'année prochaine. Donc oui, forcément, il faudra se tenir à la page. Ensuite, les évolutions du freelancing, moi, je pense simplement, ça va être une croissance. Une croissance de ce choix-là dans les choix de carrière. Donc, ça va être de plus en plus de monde... freelance et voilà, je pense que ça va être l'essentiel, l'évolution. Mais du coup, est-ce que tu penses que les pouvoirs publics ont bien saisi, tu vois, cette importance du changement, enfin de la transformation du monde du travail, qu'on va aussi réussir à avoir des avancées sociales? Là on l'a vu dernièrement, le congé mat qui a été augmenté pour les indépendants. Est-ce qu'il va y avoir aussi la question du chômage pour les indépendants, comment ça va se passer? Est-ce que toi tu as finalement des petites news dans les coulisses ou... Oui, alors ce qu'il y a depuis très peu de temps là, c'est le fait de pouvoir bénéficier du chômage pour une démission, après une démission. Donc il y a des cases à cocher, enfin il y a des je perds mes mots, mais voilà, c'est pas donné à tout le monde, voilà, c'est ça. Il faut avoir minimum 5 ans d'ancienneté dans la boîte qu'on quitte pour pouvoir avoir le chômage après une démission, sous condition également de monter un projet d'entrepreneuriat. Faut que le projet passe devant une commission, enfin voilà, c'est pas non plus en claquant dans les doigts, mais Alors, on sent je parlais du chômage pour les indépendants. Ah, de fait fait de cotiser au chômage en tant qu'indépendant. Alors, c'est à mon avis, je peux donner mon avis. Peut-être que ça arrivera. Aujourd'hui, en fait, le principal frein, c'est que c'est un chantier qui est monstre. Parce que c'est, ça paraît compliqué de dire je crée une boîte, je cotise au chômage, je ferme ma boîte, j'ai mon chômage. Enfin, vu qu'on est seul maître à bord, en fait, ça veut dire qu'on va être le seul aussi un petit peu à choisir ça et à se octroyer le droit. Donc finalement, ce sera forcément soumis à conditions. Le seul problème, et je pense que, enfin, je leur laisse, hein, c'est celle du, c'est les problèmes du gouvernement. Ça va être de trouver quelles sont les conditions, comment, et forcément, ça implique le fait de bien comprendre le statut de l'indépendant. La vie d'un indépendant, ses priorités, les difficultés qu'il rencontre au quotidien. Et je pense qu'aujourd'hui, on est plutôt dans cette phase de compréhension de ce que c'est que le statut d'indépendant. Et peut-être qu'après, il y aura une phase, effectivement, de mise à jour un petit peu des conditions actuelles. Ok. Est-ce que toi, tu penses aujourd'hui que les freelance... Bah, les freelance, c'est vrai que c'est un peu un abus de langage, mais on va dire les indépendants, hein, pour être un peu plus globaux, qu'ils soient assez informés sur tout l'aspect comptable de leur activité. Ou c'est quelque chose qui reste encore un peu sombre et sur lequel il faut, alors attention au gros mot, mais évangéliser. Oui, alors, après, nous, c'est un peu notre point de vue. C'est vrai qu'on a mis pas mal de choses en place pour justement aller donner l'info sur le terrain. Donc, c'est sûr que l'information, aujourd'hui, elle est accessible sur Internet, en se renseignant auprès de personnes. Mais des fois, comme il y a des actualisations, c'est pas toujours à jour. Et puis, il y a la subjectivité qui fait que l'info, on n'a pas compris, mais entre ce qui est et ce qui a été compris, il y a un gros gap. Donc, je pense que c'est ce qu'il faut faire, en tout cas. Il faut aller sur le terrain pour donner l'info. Et c'est un petit peu le but et ce qui devrait être les missions des métiers de l'expert comptable aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut que ce soit quelqu'un qui se déplace, qui aille au contact et pour donner l'info, parce que si on veut que tout le monde soit bien informé, forcément, il ne faut pas attendre dans son bureau qu'on frappe à la porte. Ok. Quel serait pour toi le meilleur conseil que tu pourrais donner à un freelance ou un futur freelance pour pouvoir être heureux dans son activité? C'est la question bisounours. Pour être heureux, il faut tous les matins choisir l'heure à laquelle on se réveille. Ouais. Ok. Je pense que c'est important de se dire le matin, pas je me réveille parce que il faut que je fasse ça, enfin si il faut que je fasse ça et parce que j'aime ça, donc je me réveille à cette heure-là. Il faut se mettre un peu de cadre finalement dans la liberté. Il faut se mettre du cadre, mais aussi il faut du cadre qu'on choisit, quoi. Enfin, c'est le propre de l'indépendant, mais je pense que c'est tout ce qui est d'intéressant dans ce statut-là, c'est de se dire qu'on va faire les choses à notre façon et comme on les aime, et voilà, ça forcément le matin, je pense qu'on se réveille en forme avec et heureux, des quoi. Pépites dans les yeux. Par exemple. Écoute, c'est parfait. Alors pour finir un peu sur tout ça, est-ce que tu as des références, des livres, des études que tu voudrais partager avec nos auditeurs? Une infographie, un article que tu as lu récemment, un article de ton blog, hein, par exemple, ça peut être le moment de promotion. Oui, alors, enfin, au niveau des articles, effectivement, sur le site de Pépite, on en écrit quelques-uns. Alors, par parcimonie, hein, parce que c'est quelque chose qu'on fait en plus, et du coup, ça permet de donner l'info en accès sur notre site internet. Les conseils, alors si c'est un petit peu d'autopromo, j'en profite. On a créé un groupe meet-up qui s'appelle Entrepreneurs Toulousains. Et donc justement, ce groupe meet-up est voué à transmettre de l'info pour les entrepreneurs. Donc il n'y a pas que de la compta, il n'y a pas que du juridique. Au contraire, ça balaye tous les domaines qui vont intéresser les entrepreneurs et qui vont être cruciaux quand on se lance. Et après, si en termes de dernière lecture qui m'a très intéressée, c'est l'obsession du service client. Okay. J'ai plus l'auteur. Où ça explique un petit peu le parcours d'un entrepreneur. Alors là, c'est plutôt un modèle start-up qui a vraiment fait du service client son expertise et qui explique à quel point il faut se soucier du client. Ouais, exactement. Il faut internaliser, il faut prendre en compte et en faire presque l'élément principal de toutes les autres, on va dire, de tous les autres pôles de l'entreprise, quoi. Il faut que tout gravite autour de ça, parce qu'aujourd'hui, dans le service en tout cas, mais même dans la vente, il faut que le client in fine soit content et puisse recommander. Et voilà. Donc c'est vraiment un livre qui, en tout cas, je trouve, reflète bien le monde de l'entrepreneuriat actuel où il y a beaucoup de liens tout le temps. Il faut avoir cette communication et cette satisfaction permanente. Puis comme on est dans une société de service, forcément, il faut pouvoir se démarquer. Et ouais. Le service et... client et la qualité du service client, c'est, ouais. c'est un des points principaux. Ouais, je pense. Ok, chouette. Et alors, pour le mot de la fin, on aimerait bien connaître ta citation, ton mantra, une réplique, ta réplique de film préféré. Oula. Je ne suis pas hyper cinéphile, donc le film, je vais passer. Citation. Alors, après, oui, il y a une citation que j'aime bien liée à l'entrepreneuriat. Alors, j'espère que je ne vais pas l'écorcher. C'est un entrepreneur, c'est quelqu'un qui se jette du haut d'une falaise et qui, pendant sa chute, construit l'avion qui va lui permettre d'assouplir sa chute. Ok, bah c'est drôle. Voilà. Mais c'est pas du tout ça la citation, je l'ai, je l'ai complètement transformée, mais l'idée est là. Quoi. Et bien écoute, merci Camille d'avoir participé à ce petit podcast. Du coup, après le bal, comment on peut rester en contact avec toi? Alors, vous pouvez m'ajouter sur LinkedIn, Camille Jounot, OT. Ensuite, vous pouvez prendre contact avec le cabinet Pépite. Voilà, on est aussi très régulièrement sur les événements de l'écosystème toulousain. On en organise quelques-uns. Donc voilà, après, LinkedIn reste, je pense, le meilleur moyen pour entrer en relation aujourd'hui. Donc n'hésitez pas. Ok, eh bien, écoute, merci Camille d'avoir fait tomber le masque en acceptant de rejoindre le bal local. Et puis du coup, on se dit à très bientôt. Merci beaucoup pour l'invitation. Bonne journée. À très vite.